Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude dans l'Évangile de Matthieu, et nous sommes déjà rendus au chapitre 4. Donc, si je résume un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, il nous a été démontré que Jésus est le roi par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il a été démontré qu'il était celui qui devait venir, en accomplissant la prophétie qu'une vierge devait être enceinte. Et Jésus est cet enfant qui est venu au monde de cette vierge qui était enceinte, démontrant ainsi qu'il était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Ensuite, il accomplit les prophéties qui concernaient l'arrivée du roi ou l'enfance du roi, parce que les mages sont venus. Et certaines prophéties ont été accomplies. Il est né à Bethléem. Il était là en Égypte. Et les enfants de Rachel sont morts. Et Rachel a pleuré. Bethléem a vécu une plaie épouvantable de la part du roi Hérode. Et ensuite, on a vu que Jean-Baptiste est arrivé, et Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir, celui qui avait été annoncé qu'il prêcherait ou qu'il annoncerait la venue du royaume. Et on a terminé hier en voyant que Dieu avait déclaré Jésus comme étant son fils, et il avait oint du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons voir la suite presque immédiate. Aussitôt que Dieu a déclaré Jésus son fils et que le Saint-Esprit est venu sur lui, tout de suite, on va voir à partir du verset 1 du chapitre 4, qu'est-ce qui est arrivé. Mais nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, conduis-nous pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous allons lire ce matin. C'est un spectacle, si je peux dire comme cela, rare. On a un peu un spectacle semblable avec Job, qui nous a révélé qu'est-ce qui se passait dans les cieux. Et maintenant, nous avons un autre événement qui nous révèle quelque chose par rapport à Jésus. Donc, conduis-nous et aide-nous à bien comprendre. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Aussitôt que reçut le Saint-Esprit et qu'il était déclaré fils de Dieu, verset 1 dit, « Alors l'Esprit qu'il avait reçu le conduit au désert. C'est pas Jésus qui décide d'aller au désert, comme certains ont déjà dit, pour se préparer à son ministère. Non, c'est l'Esprit qui l'amène là. Dans un lieu qui, humainement parlant, on essaie d'éviter. Et parce que ce n'est pas un milieu hospitalier pour l'être humain. Et la raison que l'Esprit l'emmène là, ça nous surprend un peu, c'est pour être tenté par le diable. Donc, souvent, on a pris ce texte-là pour parler de comment faire face aux tentations, se servir de la Bible pour faire face aux tentations. Mais le but que Jésus a été emmené là, c'est pour être tenté, testé, éprouvé par le diable. Donc, on va le regarder dans ce sens-là un petit peu. Et je me suis demandé ce matin, comment est-ce que Matthieu a-t-il su que cet événement a eu lieu? Il y a juste deux solutions. Soit que Matthieu a eu une révélation directe par Dieu. La révélation, c'est quand on reçoit une information qu'il est impossible de savoir autrement que par le fait que Dieu nous le dise. Donc Jésus était là, seul, dans le désert, et il se passe un événement que personne ne peut savoir accepter lui. Donc, soit lui, il l'a dit à Matthieu ou à ses disciples pour leur montrer quelque chose, ou soit qu'il y a une révélation. Je ne sais pas. Je ne peux pas prendre une décision là-dessus. Je ne sais pas. Mais elle est là, dans les Écritures, pour nous instruire. Premièrement, sur la personne de Jésus. Souvenons-nous, Matthieu veut convaincre ses auditeurs juifs que Jésus, c'est le Messie qui devait venir. Donc, tout le monde entend que Jésus est le Fils de Dieu, et tout le monde a vu que l'Esprit Saint est descendu sous une forme de colombe. Et là, l'Esprit Saint emmène Jésus au désert pour être éprouvé, testé par le diable. Il y a eu trois tentatives pour emmener Jésus à tomber. Pourquoi est-ce que Dieu veut cela? Pourquoi est-ce que Dieu veut que Jésus soit tenté dans le désert? Nous, on fait passer des tests à des gens. Pour les connaître, pour savoir leur habilité, pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Mais ici, quel est l'avantage que Dieu a? Mais Jésus s'en vient établir un nouveau royaume. Un royaume dans un monde où est-ce que c'est les ténèbres qui règnent? Satan est le prince de ce monde. Le diable règne dans ce monde. Et c'est un règne de ténèbres. Et Jésus vient dans ce monde établir un royaume. Et ça va être un royaume de lumière. Un royaume, on a vu ensemble dans les jours passés, un royaume essentiellement spirituel. Donc, ma compréhension, c'est que le diable vient ou pour tenter Jésus, où Dieu veut démontrer la suprématie du nouveau royaume sur l'autre royaume. Donc, il veut montrer que le nouveau roi est plus fort que l'ancien roi, qui va perdre son royaume. Le roi est venu pour établir un royaume. Donc, il doit défaire l'ancien royaume. Il doit combattre l'ancien royaume. Donc, Dieu l'amène là pour démontrer que le nouveau roi est plus fort que l'ancien roi et qu'il va établir son royaume malgré l'opposition de l'autre roi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus, après 40 jours et 40 nuits, il a faim. Dans ma tête, je me suis dit, il a certainement dû avoir faim avant ça. Mais il a eu faim. Cette journée-là. Le tentateur s'approche. Est-ce que c'est le maximum? Est-ce que c'est... Il a attendu le moment le plus dur. Il y a toutes sortes de données scientifiques sur qu'après 40 jours ou à 40 jours, si tu jeûnes pendant une période de 40 jours, le corps passe à une étape suivante qui est plus difficile. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Mais le diable attend ce moment-là, il s'approche et il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, est-ce qu'il ne le croit pas? » Moi, je ne crois pas que Satan hésite. Je ne crois pas qu'il est pas sûr. Mais si tu es le Fils de Dieu, parce que ton père vient de te déclarer, tu ne devrais pas être dans un lieu désert de même. Tu ne devrais pas souffrir de faim. Tu devrais être traité comme un roi si tu es le Fils de Dieu. Donc, il dit, fais-toi de la nourriture, prends ces pierres, fais des pains et mange. Mais Jésus répond, ce qu'on connaît tous maintenant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il résiste à cette tentation-là. Et l'autre tentation, c'est qu'il le prend et l'amène sur le temple et lui dit, jette-toi en bas. Et vu que tu es tellement important, vu que tu es le Fils de Dieu, les anges vont venir et vont t'empêcher de tomber et de te faire du mal. C'était vrai, ce qu'il a cité, c'était vrai. Mais il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui, Dieu a dit qu'il protégerait. Mais pas parce que moi je le tenterai. Pas pour éprouver Dieu. Je vais me jeter en bas, là, puis je vais voir si tu m'aimes. Non, non. Il dit, on ne tente pas Dieu. Et le Satan revient une troisième fois et lui dit, si tu veux m'adorer, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Et Jésus lui dit non, j'adore seulement que Dieu. Tu dois adorer seulement que Dieu et non pas autre chose. Jésus va établir son royaume, il va posséder la terre, les royaumes de ce monde, il va les prendre. Mais pas de la manière que Satan veut qu'il les prenne. Il va les avoir, ces royaumes-là. Il va les conquérir. Et il va établir son nouveau royaume. Et il va détruire tous les autres royaumes qui ne voudront pas se soumettre à lui. Même Satan va être finalement jeté hors de ce royaume et il va aller dans le feu éternel. Il va être enfermé dans un lieu. Donc, Jésus n'a pas besoin d'adorer Satan pour posséder ses royaumes. Il est venu pour en prendre possession en tant que nouveau roi. Donc, Satan s'éloigne. Jésus a eu la victoire sur l'ancien roi. Oh, il va revenir. Il va revenir à l'attaque. Plus loin. Mais ici, je crois que Jésus démontre la suprématie de son pouvoir, de sa capacité, sur le prince de ce monde de ténèbres. Et il a combattu le mal, il a combattu le mensonge par la vérité. Et aussitôt que sa tête est partie, la Bible nous dit ici au verset 11, « Les anges vinrent et le servirent. » Donc, je présuppose qu'ils lui ont emmené de la nourriture, je pense. Mais quelle sorte de service lui ont-ils emmené? Dans le contexte, ça semble logique de penser qu'ils ont peut-être emmené de la nourriture à Jésus. Pour moi, cette histoire, c'est un combat. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Choc des Titans, où est-ce que le monde des enfers, Hadès, attaque le monde des humains. Et c'est un homme, moitié Dieu, moitié homme, qui vient à la rescousse de la terre et sauve la terre d'Hadès, le diable. Et le moyen qu'il prend, c'est un moyen bien humain, la force humaine, l'intelligence humaine. Mais ici, ce n'est pas cela. C'est le choc des titans, mais le titan, c'est le Fils de Dieu, Emmanuel, contre le diable. Et le but, ce n'est pas les humains. Le but, c'est de démontrer lequel qui est le plus fort entre les deux. Et c'est Jésus qui a la victoire. Et ça, c'est mon roi. Mon roi a vaincu l'ennemi numéro un du nouveau royaume. Et donc, moi, faisant partie de ce royaume-là, étant en Jésus, étant son sujet, étant... faisant partie de ce royaume-là, je n'ai pas à craindre le diable. Oui, il va revenir me tenter. Oui, il va venir encore attaquer le royaume. Avez-vous déjà essayé de combattre le diable par des versets bibliques, comme Jésus a fait? Avez-vous déjà essayé? J'ai déjà essayé, mais je n'ai pas eu la victoire à chaque fois. Loin de là. Loin de là. Mais j'ai appris avec le temps que ma victoire est en lui. Que le fait que c'est lui qui a gagné la victoire, pour moi. Il n'est pas juste mort pour moi sur la croix. Il n'est pas juste ressuscité pour moi. Mais il est aussi... Il est aussi tenté comme moi. Il a eu la victoire. Et c'est dans sa victoire contre le diable que je me réfugie. Que je me cache. Même si... le diable peut me faire tomber. Je reste victorieux parce que mon roi est plus fort. Donc, il y a un grand soulagement pour moi ce matin en lisant ce texte-là, que même si moi je ne suis pas capable, même avec des versets bibliques, avoir toujours la victoire. le fait que je suis en Christ et avec Christ dans son royaume, la victoire m'est assurée. Et ça me pousse à la louange de mon roi. Notre Père du ciel, merci. Merci qu'en Jésus, nous avons la victoire sur le diable et sur le monde des ténèbres. Merci qu'il a vaincu pour nous. Son royaume est victorieux. Et moi, par sa grâce, je fais partie de ce royaume. Donc, j'ai la victoire sur le royaume des ténèbres. C'est au nom du roi que je te prie.